Donc apparemment au Bordeaux c'est un peu un peu pop rock tout ça, donc on a un morceau un peu comme ça, tout ça. Vas-y, que Bordeaux était froid. All the friends with À ce que tu aimes plus, mener la vie dure. À ce que tu aimes plus, considère-le comme si tu venais de les rencontrer. Et à mesure qu'on passe au travers des années, l'on ne se cherche plus, l'on se met de côté, l'on ne se regarde plus, plus vraiment comme c'était quand on s'est rencontré. Et quand l'azur relâche, ses premières étoiles, et même un croissant de lune, je revois la plage, et on oublie ma brune, perdue par le plaisir qui se met dans les dunes. Et je retourne à la, étirant le temps du chant des sables, mon visage en argent, la cadence des lignes, je pleurais dans les dents, et le tir de feu. En visant vers le luxe. Bientôt le sable brûle, cherchons l'étoile et les couverts de luxe, l'ombre d'un séjour des enfants accouchés. Mais tu n'as rien vu, tu bats la peine de le surjouer. Tu n'as pas de vœux de rêve, me fait mettre à la rue, me fait regarder la femme de son cœur. Considères-tu en visant vers le Thank you. Merci à tous d'être venus. C'était Gérard, Amaury, Pierre, François. Je pense à Amir de la Spontance. Notre disque est à vendre à Total Eden, qui est le meilleur disque de Bordeaux et du monde entier. Je retrouverai bien le chemin, disons à demain. Bonne nuit à tous, c'était François de la Fontaine. Merci à vous d'avoir venu. Merci à vous. Thank you. de vous souhaiter un souvenir d'adolescence. Je voudrais se dédier ce morceau à tous ceux qui ont cru, vers l'âge de 14-15 ans, que la musique était tout ce qu'il y avait de plus, genre, tout ce qu'il y avait de qui valait le coup, quoi. Plus important qu'un kick, par exemple. I've tried to be the money to the early young girl. When you touching your soul, when God is a girl, it's when I hear all I have that will still be the woman. Treasures you mine, often get lost, lost into the eyes. I said goodbye in the air, so long as we will be without it. Without you, inside your house, you without you. Merci, c'était très cool. À bientôt.